Exercice 5, page 28. A. Tu as 5 euros ? B. Ça coûte 15 euros. C. Ça fait 12 euros. D. Ça vaut 9 euros. E. C'est 17 euros. F. Il manque 8 euros.